الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On continue donc la lecture et la traduction du livre قصص الأنبياء du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di رحمه الله تعالى. Durant le dernier cours, on avait cité et raconté l'histoire de Lot عليه السلام dans sa totalité. Aujourd'hui, on entame l'histoire du prophète d'Allah Shu'aib alayhi salam. Qissatu Shu'aib alayhi salam. Nabba'ahu Allah wa arsalahu ila ahli Madyan. Wa kanu ma'a shirkihim yabkhasuna al-makayil wal mawazin wa yaghushuna fil mu'amalat wa yanqusuna an-nasa ashya'ahum fad'ahum ila tawhidillah wa nahahum 'an ash-shirk bihi wa amarahum bil 'adli fil mu'amalat wa zajarahum 'an al-bakhs fil mu'amalat wa dhakkarahum al-khayr alladhi adrahu Allah 'alayhim wal arzaq al-mutanawwi'ah wa annahum laysu bihajatin ila dhulmi an-nas fi amwalihim wa khawwafahum al-'adhab al-muhit fi ad-dunya qabla al-akhirah فأجابوه ساخرين وردوا عليه متهكمين فقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد أي فنحن جازمون على عبادة ما كان آباؤنا يعبدون وجازمون على أننا نفعل في أموالنا ما نريد من أي معاملة تكون فلا ندخل تحت أوامر الله وأوامر رسله. L'histoire de Shu'aib عليه السلام. Allah سبحانه وتعالى a fait de lui un prophète. Il l'a envoyé aux gens de Madian. Donc, le peuple de Shu'aib sont Ahlou Madian. En plus de leur polythéisme, du fait qu'ils adoraient d'autres divinités en dehors d'Allah Azzawajal, ils trichaient dans les mesures et la balance, et les balances. Et ils trompaient les gens dans leurs transactions. Et ne donnaient pas aux gens, et donnaient aux gens moins que leur dû. Shu'aib alayhi salam les a appelés à l'unicité d'Allah et leur a interdit de commettre le polythéisme. Il leur a ordonné également d'être justes dans leurs transactions et les a mis en garde contre la tricherie dans celle-ci. Il leur a rappelé les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordés de toute nature. Et qu'ils n'ont pas besoin d'être injustes envers les gens concernant leurs biens. Et il leur a fait peur en les menaçant d'un châtiment qui les guette dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Quelle a été la réaction de son peuple ? فَأَجَابُوهُ سَخِرِينَ. Ils lui ont répondu en se moquant de lui et en le raillant. Et ils ont dit, ô Shu'aib, est-ce ta prière qui te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres et de ne pas faire et de ne pas utiliser nos biens comme bon nous le semble? Innaka la anta al-halim al-rashid. Est-ce toi l'indulgent et le droit? C'est-à-dire que nous avons décidé de persister et d'adorer ce que nos ancêtres adoraient. Et nous avons décidé de faire de nos biens ce que nous souhaitons et d'user des transactions que nous souhaitons également. Ainsi, nous n'entrons pas et nous ne nous soumettons pas au commandement d'Allah et au commandement de ses prophètes. فقال لهم يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا أي أغناني الله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أي ما نهيتكم عن المعاملات الخبيثة وظلم الناس فيها إلا وأنا أول تارك لها، مع أن الله أعطاني ووسع علي وأنا محتاج إلى المعاملة، ولكني متقيد بطاعة الله. إن أريد في فعلي وأمري لكم إلا الإصلاح، أي أن تصلح أحوالكم الدينية والدنيوية ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم خوفهم أخذات الأمم التي حولهم في الزمان والمكان، فقال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. Puis il leur a dit, فقال لهم: Ô mon peuple, voyez-vous si je me bats sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. C'est-à-dire, ce que je vous interdis d'accomplir et de commettre comme transaction mauvaise et comme injustice envers les gens, lorsque je vous interdis de faire cela, je suis le premier à les délaisser. Malgré qu'Allah Azza wa Jal m'ait comblé de ses bienfaits et qu'il m'ait élargi la pourvoyance, je suis tout de même dans le besoin d'accomplir des transactions. Mais je me soumets dans ces transactions à l'obéissance de mon Seigneur. Et je ne veux dans mon acte, c'est-à-dire dans le fait de les appeler à tout cela. Et je ne veux dans cela, dans le fait que je me soumets à l'ordre d'Allah et dans mes commandements que je vous adresse, je ne veux dans cela que la réforme et que votre situation mondaine et religieuse soit réformée, et ceci autant que je le peux. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Et ma réussite ne dépend que d'Allah, c'est en lui que je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. Puis Shu'aib alayhi salam a fait peur à son peuple en leur rappelant la finalité des communautés qui étaient proches d'eux, que ce soit proche dans le temps ou dans le lieu. Il leur a dit, alayhi salam, ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments que le peuple de Nuh, ou le peuple de Hud, ou le peuple de Salih, et le peuple de Lot n'est pas très éloigné de vous. Et le peuple de Lot n'est pas très éloigné de vous, le peuple de Lot qui a été exterminé par Allah Azza wa Jal peu de temps avant qu'Allah Azza wa Jal n'envoie Shu'aib à son peuple. ثم عرض عليهم التوبة ورغبهم فيها فقال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود فقالوا ما نفقه كثيرا مما تقول وهذا لعنادهم وبغضهم البليغ للحق وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. Puis Shu'aib alayhi salam leur a exposé le repentir, leur a demandé de se repentir et les a encouragés à demander le pardon à Allah Azza wa Jal. Il leur a dit: واستغفروا ربكم. Demandez le pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est miséricordieux et plein d'amour. Mais cela n'a pas porté ses fruits sur eux. Ils ont dit : Ma nafqahu kathiran mimma taqul. Nous ne comprenons pas grand-chose de ce que tu racontes. Et ceci, ils l'ont dit, de par leur entêtement dans le faux et parce qu'ils détestaient de façon évidente la vérité. Et ils ont dit, nous te considérons comme un faible parmi nous, et si ce n'était ton clan, nous t'aurions certainement lapidé. Et وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. Et rien ne nous empêche de t'atteindre. Shu'aib alayhi salam leur a répondu, قَالَ يَا قَوْمِ. Ô mon peuple, mon clan est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah, à qui vous tournez le dos? Mon Seigneur sait parfaitement ce que vous faites. ثُمَّ لَمَّا رَأَى عُتُوَّهُمْ قَالَ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأرسل الله عليهم حرا أخذ بأنفاسهم حتى كادوا يختنقون من شدته ثم في أثناء ذلك أرسل سحابة باردة فأظلتهم فتنادوا إلى ظلها غير الظليل فَلَمَّا اجْتَمَعُوا فِيهَا إِلْتَهَبَ عَلَيْهِمْ نَارًا فَأَحْرَقَتْهُمْ وَأَصْبَحُوا خَامِدِينَ مُعَذَّبِينَ مَذْمُومِينَ مَلْعُونِينَ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ. Shu'aib alayhi salam, lorsqu'il a vu leur entêtement dans le faux, leur a dit, ô mon peuple, agissez autant que vous voulez, moi aussi j'agis. Bientôt vous saurez sur qui tombera un châtiment qui le déshonorera et qui de nous est le menteur. Et attendez, moi aussi j'attends avec vous. فَانْتَظِرُوا وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. Et lorsque notre commandement est arrivé, nous avons épargné Shu'aib et ceux qui ont cru avec lui d'une miséricorde venant de nous. Et le cri terrible saisit les injustes et ils gisèrent dans leur demeure, c'est-à-dire morts. Allah Azza wa Jal leur a envoyé une chaleur immense qui allait presque les étouffer de par la force de cette chaleur. Puis, alors qu'ils étaient dans cette situation, c'est-à-dire lorsqu'ils suffoquaient de par cette chaleur, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un nuage frais qui leur procura de l'ombre. Ils se sont alors réunis sous cette ombre qui en réalité n'était pas une ombre. Et lorsqu'ils se sont réunis sous celle-ci, Allah subhanahu wa ta'ala a fait déverser sur eux un feu qui les a brûlés. Et ainsi, ils ont été châtiés, humiliés et maudits à tout moment. ثم قال رحمه الله وفي قصة شعيب فوائد عديدة. Et dans l'histoire de Shu'aib, il y a de nombreuses morales. منها أن بخس المكاييل والموازين خصوصا وبخس الناس أشياءهم عموما من أعظم الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة. Parmi ces morales, est que le fait de tricher dans les mesures et dans les pesées de façon particulière. Et le fait de donner aux gens moins que leur dû de façon générale fait partie des péchés qui amènent et apportent le châtiment dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. ومنها أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم ولهذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشباب والكبر من الفقير أقبح من الغنى من الغني والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم من وقوعها من المحتاج. On retient également que le péché qui est commis par celui qui n'a pas besoin et dont rien n'appelle à commettre ce péché est plus grave. Qu'est-ce que veut dire cette parole de Cheikh Saadi ? Que celui qui commet un péché alors qu'il n'a pas forcément besoin de le commettre, que cela est plus grave. Le peuple de Shu'aib était-il un peuple aisé ou en difficulté ? Aisé. Malgré cela, il trichait dans les mesures et dans les balances et ne donnait pas aux gens leur dû, alors qu'ils n'avaient pas besoin. S'ils étaient dans le besoin, si c'était un peuple pauvre, cela aurait été moins grave. Pour cela que Cheikh Saadi dit, et c'est pour cela que celui que le vieillard qui fornique est plus grave que le jeune. Que le pauvre orgueilleux est plus grave que le riche. Car le riche, sa richesse, le fait qu'il se sente au-dessus des autres, c'est ce qui l'amène à faire preuve d'orgueil. Or, le pauvre qui est démuni, qu'est-ce qui l'amène à être orgueilleux, qu'il reste modeste, comme Allah Azza wa Jal a fait de lui une personne modeste. Et de même que celui qui vole, alors qu'il n'a pas besoin, alors qu'il n'est pas dans le besoin, est pire que celui qui vole, qui est dans le besoin. Pour cela, que Cheikh Saadi rahimahullah dit, et il est rapporté dans le hadith, rapporté dans le sahih de l'imam muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama, wa la yuzakkihim, wa fi riwaya, wa la yanzuru ilayhim, wa lahum azabun alim, shaykhun zanin, wa malikun kazzab, وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, trois types de personnes, Allah ne leur adressera pas la parole le jour du jugement. Il ne les purifiera pas. Et dans une version, il ne les regardera pas et ils auront un châtiment douloureux, le vieillard fornicateur, le roi menteur et le pauvre orgueilleux. ولهذا قال شعيب لقومه إني أراكم بخير أي بنعم كثيرة فأي أمر أحوجكم إلى الهلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرمة. Pour cela que Shu'aib a dit à son peuple, je vous vois dans l'aisance, إني أراكم بخير, c'est-à-dire que vous jouissez de nombreux bienfaits. Qu'est-ce donc qui vous met dans ce besoin d'accourir vers ce que les gens possèdent et de prendre les biens des gens d'une façon interdite ? ومنها قوله بقية الله خير لكم فيه الحث على الرضا بما أعطى الله والاكتفاء بحلاله عن حرامه وقصر النظر على الموجود عندك min ghayri tatallu'in ila ma 'inda an-nas. Également, l'on retient de cette histoire de Shu'aib alayhi salam la parole d'Allah azawajal lorsque Shu'aib a dit à son peuple: ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous. Il y a dans cela un encouragement à être satisfait de ce qu'Allah azawajal nous donne et de se contenter du halal, du licite que nous possédons et ne pas aller chercher l'interdit, et de se restreindre à observer ce qui nous appartient et ne pas observer ce qu'il y a chez les gens. ومنها أن فيه دلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخيرات وترك المنكرات والنصيحة لعباد الله، وقد علم ذلك الكفار بما قالوا لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن هنا تعرف حكمة الله ورحمته في أنه فرض علينا الصلوات تتكرر في اليوم والليلة لعظم وقعها وشدة نفعها وجميل آثارها، فلله على ذلك أتم الحمد فلله على ذلك أتم الحمد. On retient également de cette histoire qu'il y a une preuve que la prière est une cause qui amène à faire le bien et à délaisser le mal. Et les mécréants du peuple de Shu'aib ont eu connaissance de cela, savaient cela, lorsqu'ils ont dit à Shu'aib: est-ce ta prière qui t'ordonne de nous ordonner de délaisser ce qu'adoraient nos ancêtres et de ne pas faire avec nos biens ce que nous souhaitons? Tu es innaka la antal halimu ar-rashid. Est-ce toi l'indulgent et le droit? Et Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Al-Ankabut: la prière interdit la turpitude et le mal. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Et ainsi, tu sais que ainsi tu prends connaissance de la sagesse d'Allah et de sa miséricorde lorsqu'il nous a ordonné d'accomplir les prières qui se succèdent de jour et de nuit. Car cette prière a une immense importance. Elle a une grande utilité et elle apporte et en découle de belles conséquences. Ainsi, nous louons Allah Azza wa Jal pour cela. ومنها أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته وفي معاملاته المالية داخل تحت حجر الشريعة، فما أبيح له منها فعله، وما منعه الشرع تعين عليه تركه. ومن يزعم أنه في ماله حر له أن يفعل ما يشاء من معاملات طيبة وخبيثة، فهو بمنزلة من يرى أن عمل بدنه كذلك، وأنه لا فرق عنده بين الكفر والإيمان والصدق والكذب وفعل الخير والشر، الكل مباح. ومن المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيين الذين هم شر الخليقة، ومذهب قوم شعيب يشبه هذا، لأنهم أنكروا على شعيب لما نهاهم عن المعاملات الظالمة وأباح لهم سواها، فردوا عليه أنهم أحرار في أموالهم لهم أن يفعلوا فيها ما يريدون. ونظير هذا قول من قال: إنما البيع مثل الربا، فمن سوى بين ما أباحه الله وبين ما حرمه الله فقد انحرف في فطرته وعقله بعد ما انحرف في دينه. Et on retient également de cette histoire que le serviteur, dans ses actions et dans ses transactions financières ou autres, est soumis à la législation musulmane. Ce que la législation lui autorise, alors il le fait. Ce que la législation lui interdit, alors il se doit de le délaisser. Et celui qui prétend que dans ses biens, il est libre de faire ce qu'il veut, il est libre de faire la transaction qu'il veut, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, celui qui prétend cela est comparable à celui qui prétend que les actes de son corps ont le même jugement. Et ainsi, il n'y a pas de différence chez lui entre la mécréance et la foi, entre la véracité et le mensonge, et entre le fait de faire le bien ou de faire le mal. Tout est licite, tout est autorisé. Ainsi, celui qui dit que moi mes biens, j'en fais ce que je veux, et qui ne sont pas soumis à la charia, celui-là, il est similaire à celui qui dit qu'il fait ce qu'il veut de façon générale. Et que celui qui veut être mécréant peut le faire comme celui qui veut être croyant peut le faire. Que tu peux mentir comme tu peux dire la vérité, tu peux faire le bien comme tu peux faire le mal, tout est autorisé. Si tu t'exclus d'être soumis à la législation dans tes biens, qu'est-ce qui t'empêche alors, en suivant ton raisonnement, de t'exclure, d'exclure tous tes actes de la soumission à cette législation. Et Cheikh Saadi dit, et il est connu que cela est le courant de pensée des libertaires, qui sont, comme le dit Cheikh Saadi, hum sharul khaliqa, qui font partie des pires des créatures. Et le peuple de Shu'aib a suivi cette voie, car ils ont renié et rejeté et répondu à Shu'aib lorsqu'il leur a interdit d'accomplir des transactions injustes. Et que Shu'aib leur a autorisé les transactions qui sont licites. Donc Shu'aib alayhi salam n'a pas dit toutes les transactions sont interdites. Non. Il y a des transactions qui sont interdites, mais beaucoup d'autres sont autorisées. Ils ont répondu à Shu'aib qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils veulent de leur bien. Et similaire à cela, la parole qui a été dite, ceux qui ont dit « innama al-bay'u mithlu riba » que la vente est comme l'usure. Celui donc qui met au même piédestal ce qu'Allah Azzawajal a autorisé et ce qu'Allah Azzawajal a interdit, celui-là, sa nature saine a dévié, sa raison a dévié après que sa religion ait dévié. ومنها أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس لقوله أنه إذا أمرهم بشيء أن يكون أول الفاعلين له وإذا نهاهم عن شيء كان أول التاركين لقول شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. On retient également de cette histoire que celui qui conseille les créatures, celui qui leur dirige des ordres et des interdits. Pour que les gens acceptent entièrement ses directives et sa parole, lorsqu'il leur ordonne de faire une chose, il doit être le premier à la mettre en pratique. Et lorsqu'il leur interdit une chose, il doit être le premier à la délaisser. Car Shu'aib a dit à son peuple, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. ومنها أن الأنبياء جميعهم بعثوا بالإصلاح والصلاح ونهوا عن الشرور والفساد فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل ووضع للخلق الأصول النافعة التي يجرون عليها في الأمور العادية والدنيوية كما وضع لهم الأصول في الأمور الدينية، وأنه كما أن على العبد السعي والاجتهاد في فعل الصلاح والإصلاح، فعليه أن يستمد العون من ربه على ذلك، وأن يعلم أنه لا يقدر على ذلك ولا على تكميله إلا بالله، لقول شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. Également, le retient de cette histoire que les prophètes, tous les prophètes, ont été envoyés avec la réforme et la virtuosité, et qu'ils ont interdit le mal et la corruption. Ainsi, toute réforme et toute chose vertueuse, qu'elle soit religieuse ou mondaine, fait partie de la religion des prophètes. Et de façon particulière, le guide et le sceau de ces prophètes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, il a instauré aux créatures des règles et des fondements bénéfiques dont découlent les bienfaits mondains. De même qu'il leur a instauré des bases dans lesquelles ou à travers lesquelles découlent les biens religieux. Et on retient également que de la même façon que le serviteur fait en sorte de se réformer, de réformer, il ne doit pas oublier qu'il doit demander l'aide de son Seigneur dans cela. Et il doit savoir qu'il ne peut arriver à ce but et ne peut le parfaire que par la volonté d'Allah Azzawajal. Et ceci, on le retient de la parole de Shu'aib: « In uridu illa l'islah mastata'at »« Je ne veux que la réforme autant que je le peux, et ma réussite dépend d'Allah, c'est en lui que je place ma confiance et c'est vers lui que je retourne repentant. ومنها أن الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم وحسن الخلق ومقابلة المسيئين بأقوالهم وأفعالهم بضد ذلك، وأن لا يمنعه أذى الخلق ولا يصده عن شيء من دعوته. وهذا الخلق كماله للرسل صلوات الله عليهم وسلامه، فانظر إلى شعيب عليه السلام وحسن خلقه مع قومه ودعوته لهم بكل طريقة، وهم يسمعونه الأقوال السيئة ويقابلونه المقابلة الفعلية، وهو صلى الله عليه وسلم يحلم عليهم ويصفح ويتكلم معهم كلام من لم يصدر منهم له وفي حقه إلا الإحسان ويهون هذا الأمر، فإن هذا خلق من ظفر به وحازه فقد فاز بالحظ العظيم، وأن لصاحبه عند الله المقامات العالية والنعيم المقيم، ويهونه أن يعالج أمما ويهونه أنه يعالج أمما قد طبعوا على أخلاق إزالتها وقلعها أصعب من قلع الجبال الرواسي، ومرنوا على عقائد ومذاهب بذلوا فيها الأموال والأرواح وقدموها على جميع المهمات عندهم، أفتظن مع هذا أن أمثال هؤلاء يقتنعون بمجرد القول بأن هذه مذاهب باطلة وأقوال فاسدة؟ أم تحسبهم يغتفرون لمن نالها بسوء؟ كلا والله، إن هؤلاء يحتاجون إلى معالجات متنوعة بالطرق التي دعت إليها الرسل، يذكرون بنعم الله وأن الذي تفرد بالنعم يتعين أن يفرض بالعبادة، ويذكر لهم من تفاصيل النعم ما لا يعد ولا يحصى، ويذكرون بما في مذاهبهم من الزيغ والفساد والاضطراب والتناقض المزلزل للعقائد الداعي إلى تركها، ويذكرون بما بين أيديهم وما خلفهم من أيام الله ووقائعه بالأمم المكذبة للرسل المنكرة للتوحيد، ويذكرون بما في الإيمان بالله وتوحيده ودينه من المحاسن والمصالح والمنافع الدينية والدنيوية الجاذبة للقلوب المسهلة لكل مطلوب. ومع هذا كله فيحتاج الخلق إلى الإحسان إليهم وبذل المعروف، وأقل ذلك الصبر على أذاهم وتحمل ما يصدر منهم ولين الكلام معهم وسلوك كل سبيل حكمة معهم والتنقل معهم في الأمور بالاكتفاء ببعض ما تسمح به أنفسهم ليستدرج بهم إلى تكميله، والبداءة بالأهم فالأهم وأعظمهم قياما بهذه الأمور وغيرها، سيدهم وخاتمهم وإمام الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. إلى دنيا مغال كسيت الشيخ السعدي رحمه الله et il dit que celui qui appelle à Allah a besoin de douceur et a besoin d'un bon comportement. Il a besoin de répondre à ceux qui ont des mauvaises paroles et des mauvais actes à son encontre. Il doit répondre à cela par le bien. Et ces mauvais comportements et ces mauvaises paroles qui sont proférées à son encontre ne doivent pas l'arrêter et ne doivent pas le détourner de son appel. Et ce comportement, ce sont les prophètes d'Allah Azza wa Jal qui l'ont obtenu de façon parfaite. Puis il dit, rahimahullah, regarde donc Shu'aib alayhi salam et le bon comportement qu'il a eu vis-à-vis de son peuple, la façon par laquelle il les a appelés. Il les a appelés à Allah Azza wa Jal de différentes façons, alors que eux ne lui faisaient entendre que de mauvaises paroles et lui faisaient voir de mauvais comportements. Shu'aib alayhi salam persistait dans sa douceur vis-à-vis d'eux et de son indulgence à leur égard. Il leur parlait comme s'ils étaient bienfaisants envers lui. Et celui qui obtient et celui qui possède un tel comportement a gagné une part immense. Et il aura auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala les hauts degrés et des délices éternels. Et celui qui a un tel comportement pourra raisonner des peuples qui ont eu l'habitude ou qui ont eu pour habitude des comportements. Ils ont été habitués à des mauvais comportements de telle sorte que d'enlever ces comportements de ces personnes et de ces peuples est aussi dur que d'arracher une montagne ancrée. Et ils ont eu l'habitude, ils se sont habitués à des fausses croyances. Ils ont dépensé pour ces croyances leur argent, leur âme, et ils font précéder ces croyances devant toute chose. Penses-tu, Cheikh Saadi dit, penses-tu que face à des personnes comme celles-ci, penses-tu qu'ils vont être convaincus par la simple parole qui leur serait dite que leur voix est fausse et que leurs paroles ne sont pas bonnes? Penses-tu qu'ils vont pardonner à celui qui voudrait du mal de leurs idoles? Qu'Allah wallah, il dit non par Allah. Ces personnes-là ont besoin que l'on résolve leurs problèmes de différentes façons. Les façons qu'ont utilisé et à laquelle ont appelé les prophètes. Puis Cheikh Saadi énumère ces façons. Premièrement, de rappeler à ces peuples les bienfaits d'Allah sur eux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui les a comblés de ces bienfaits et donc c'est le seul qui mérite d'être adoré. Et de leur rappeler les détails de ces bienfaits dont ils jouissent qui sont en réalité des jouissances qui ne peuvent être énumérées tellement elles sont nombreuses. Ce peuple, on doit lui rappeler ce que comporte leur religion comme déviation, comme corruption et comme contradiction, qui, et ceci viendra déstabiliser leurs croyances et les amener ainsi à la délaisser ou à les délaisser. Ce peuple, l'on doit lui faire rappeler ce qu'il y a devant eux et ce qui les attend et ce qui les a précédés comme châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que des communautés avant eux qui ont également traité de mensonges et de menteurs leurs prophètes, des communautés qui ont également comme eux renié le tawhid, ont subi le châtiment d'Allah azawajal. Un tel peuple, l'on doit leur rappeler ce qu'il y a dans la foi en Allah azawajal. L'on doit leur rappeler les bienfaits de la religion d'Allah et de l'unicité d'Allah azawajal. On doit leur faire rappeler les bienfaits religieux et les bienfaits mondains de cette croyance en Allah azawajal qui attirera leur cœur vers cette religion. Ajoutez à tout cela, l'on doit faire preuve de bienfaisance envers eux. L'on doit leur apporter du bien. Et la moindre de ces choses est de patienter face à leurs maux et à leur adhahum et à leur injustice, et de prendre sur soi ce qui pourrait émaner d'eux, de leur parler d'une façon douce et d'utiliser toutes les voies de la sagesse et de se contenter de ce que leur âme accepte jusqu'à les amener petit à petit à la perfection, et également de commencer par les choses les plus importantes, puis de les faire suivre par les choses moins importantes. Puis Cheikh Saadi rahimahullah conclut en disant: et celui qui a le mieux accompli cela, celui qui a le mieux mis en pratique toutes ces choses est le maître, et leur maître, le maître des prophètes, leur sceau, celui qui les a clôturés, le guide des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. C'est lui sallallahu alayhi wa sallam qui a le mieux mis en pratique toutes ces directives et toute cette façon d'appeler un peuple à Allah azawajal et à l'adoration de lui seul azawajal sans ne rien lui associer. On actafi bi hadha al-qadr wa subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.